19-31, activation orale, clair, présent de l'indicatif. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez. 1. Comment vos enfants trouvent-ils les maths? Vous dites... Ça leur plaît? Ou bien vous entendez. 2. Alors, comment trouvez-vous le tir? Vous dites... Ça me plaît. Allons-y. 3. Comment votre fille trouvait-elle le français? Ça lui plaît. 4. Et vous deux, comment trouvez-vous le français? Ça nous plaît. 5. Alors, comment votre fils trouve-t-il la physique? Ça lui plaît. 6. Comment vos parents trouvent-ils Paris? Ça leur plaît. 7. Et toi, comment trouves-tu Paris? Ça me plaît.